Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Quelque chose en nous, du romantisme », une série d'Élise Andrieux réalisée par Véronique Samouiloff. Au départ de cette série, il y a ce confinement qui s'installe et l'idée de proposer des écoutes utiles aux bacheliers. Aujourd'hui, littérature, tristesses abyssales, amours éternels et horizons infinis, et cette question, jusqu'où peut-on fuir ? Alors pour commencer, les personnages. Un poète adoré, un professeur habité par Merval, une mère disparue, une marcheuse rêveuse, une conservatrice qui veille, un musicologue, des passants romantiques et un inconsolé. Ensuite, le décor. Du piano, la folie, la fuite, la scène, le Louvre, un tableau, l'éternité, la clinique du docteur Blanche, la schizophrénie, un soleil noir, l'envie d'en finir, un amour perdu, une ruelle et une marche funèbre. Aujourd'hui, troisième épisode, on se récite des poèmes. Je connais pas mal de poèmes par cœur, parce qu'ils me sont nécessaires. Il y a les premiers mots d'Aurélia aussi qui sont tellement importants. Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme. Une clarté nouvelle illumine et fait jouer ses apparitions bizarres. Le monde des esprits s'ouvre pour nous. Ça me fait des échos très profonds. On sent que pas tout à fait attaché à la réalité, qu'il est un peu en demi-sommeil. C'est assez fort. Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer ses apparitions bizarres. Le monde des esprits s'ouvre pour nous. Ça, c'est vrai que c'est waouh! Ouais. C'est incroyable, hein ? Merval est très mystérieux et je l'aime énormément. Quelque chose en nous du romantisme, fuir le réel. Un documentaire d'Élise Andrieux et Véronique Samouiloff. C'est vrai que c'est étonnant le rêve, non ? Fermer les yeux, se laisser aller et s'apercevoir que quand on s'abandonne, on découvre une autre part de soi, c'est étonnant. Je suis l'homme romantique. Je déambule depuis plusieurs années dans toute l'Europe à la recherche d'un absolu, que j'exprime tour à tour dans la musique, la peinture, la littérature. J'arrive désormais à un point de non-retour. Ni mes sentiments, ni mes idéaux ne peuvent se concilier avec la réalité devenue pour moi cynique. Après l'espoir de la Révolution française et l'épopée de Napoléon, je contemple aujourd'hui un monde où l'argent règne en maître, laissant émerger une bourgeoisie aux conventions sociales bien tenues. Alors pour exister, je m'enfuis. Dans le voyage, le rêve, la folie, et jusque dans la mort. Je fuis le réel. Je suis Schumann, Géricault, mais aussi Gérard de Nerval. C'est un fragment du Faust de Goethe, le Faust que Nerval traduit en 1827. Il a 19 ans et Schubert, lorsqu'il compose Marguerite Rouet, a 16 ans, je crois, 16 ans, 17 ans. Je fait, la scène, c'est Marguerite qui évoque le souvenir de Faust. Elle est au rouet, donc le piano imite la roue de la femme qui file de la laine. Et il y a une intensité prodigieuse dans cette évocation de cet homme qu'elle a aimé, Faust, et ça culmine au mot baiser. En allemand, elle se souvient de son baiser. Nerval sera connu comme le traducteur de Goethe, du Faust. Ce qui me frappe, c'est que son premier geste d'écrivain est un geste de traducteur. Et traduire, c'est déjà voyager. Il y a un désir d'ailleurs qui traverse tout le romantisme, en effet. L'ailleurs géographique pour les romantiques n'est que la métaphore d'un ailleurs d'une autre nature, qu'il s'agisse de l'idéal ou de cet ailleurs qui est au fond de nous-mêmes. Et d'une certaine façon, l'œuvre de Nerval accomplit ce programme du romantisme, mais elle l'accomplit avec 40 ans de décalage par rapport au premier élan du romantisme allemand, et donc avec un désenchantement plus marqué, de l'ironie aussi, et peut-être avec cette fatalité prévisible qu'il n'y aura bientôt plus que la folie pour répondre à ce besoin d'ailleurs que les romantiques allemands appelaient dans un geste plein d'espérance. Nicolas Illouz, et je suis professeur à l'université Paris 8. Ça fait près de 30 ans, peut-être plus même, que j'étudie Nerval. Plus je l'étudie, en tout cas, plus il me semble fuyant, lointain, à la fois proche et lointain. Donc, ce serait en effet une figure par excellence de l'écrivain voyageur, du poète itinérant, du poète errant. C'est un geste existentiel chez lui, mais c'est aussi un geste d'écriture. Nerval indique lui-même, au fond, la raison de cette instabilité. Il la relie à la disparition de sa mère. C'est dans un passage de Promenade des souvenirs que je pourrais peut-être lire, si vous le voulez. C'est l'un des derniers textes de Nerval, et il désigne, avec pudeur mais précision, le nœud névralgique de son expérience. Le texte commence ainsi. « Je n'ai jamais vu ma mère. Ses portraits ont été perdus ou volés. Je sais seulement qu'elle ressemblait à une gravure du temps, d'après Prudhon ou Fragonard, qu'on appelait la modestie. La fièvre dont elle est morte m'a saisi trois fois, à des époques qui forment dans ma vie des divisions régulières, périodiques. Toujours à ces époques, je me suis senti l'esprit frappé des images de deuil et de désolation qui ont entouré mon berceau. Les lettres qu'écrivait ma mère des bords de la Baltique ou des rives de la Sprée ou du Danube m'avaient été lues tant de fois. Le sentiment du merveilleux, le goût des voyages lointains ont été sans doute pour moi le résultat de ces impressions premières. Il y avait là de quoi faire un poète et je ne suis qu'un rêveur en prose. » Alors derrière cette figure de la mère, il y a une réalité biographique traumatisante, puisque la mère de Nerval avait suivi le père, le docteur Labruni, l'avait suivi aux armées pendant les campagnes napoléoniennes. Elle a donc quitté l'enfant alors que celui-ci avait 2 ans, et il est en nourrice alors dans le Valois, et elle meurt. Alors, à partir de là, le fantasme prend le relais sur un pont chargé de cadavres, dit-il, et elle est donc enterrée bien loin de là, dans la froide Silésie. Donc voilà la réalité biographique. Alors la quête de la mère peut devenir la quête de l'idéal, de la poésie. Donc c'est tout cela qu'il cherche et qu'il ne peut situer qu'ailleurs, en effet, puisque ici, elle a manqué. Quelque chose manque à Nerval. C'est sa mère qui l'a perdu jeune. Il lui manque un amour. Je l'imagine bien se promener dans la forêt, en tout cas. Loin des gens, loin du monde. Il marche à son rythme, il suit le mouvement de ses pas. Et puis en suivant le mouvement de ses pas, des mots lui viennent. Et vous, pourquoi est-ce que vous marchez dans la forêt ? Pour voir, le ciel, les arbres, les feuilles, les couleurs se fondent naturellement et pour respirer surtout. Il y a un peu de vent et donc les arbres tournent un petit peu. Leur tronc est très fin. Je m'appelle Lise et je suis étudiante à la fac en troisième année de lettres. J'étudie les lettres pour les histoires qui me bercent, qui m'aident à m'endormir et à mieux rêver. Nerval, il incarne le rêve et l'imagination. C'est pour ça que ça me touche particulièrement, peut-être. Il n'y a pas de frontière pour lui. En fait, la frontière n'existe pas. L'univers est totalement, totalement vaste, qui fait peut-être un peu peur. Où a-t-il marché, Nerval ? Sa géographie est immense. Il y a au moins trois lieux importants. Ce serait l'Orient, le Valois et finalement Paris. Alors on peut développer chacun de ces trois lieux. L'Orient d'abord. Nerval part en Orient en 1843, après la première grave crise de folie de 1841. Alors il a 33 ans. Au moment où il part, il a conscience qu'il voyage après les grands voyageurs romantiques qu'ont été notamment Chateaubriand ou Lamartine, mais il voyage d'une toute autre façon qu'eux. Il veut une étrangeté plus grande par rapport à la culture occidentale. Nerval veut se fondre dans les pays qu'il parcourt et il va même jusqu'à revêtir l'habit oriental. Il s'agit de devenir autre, au fond. Avec le temps, il renonce au grand voyage et il recentre ses errances sur le Valois natal. Ce Valois natal chez Nerval est une terre, un pays où l'on n'arrive jamais. Et donc cette façon d'être étranger au pays familier, cette terre maternelle, qui, quoique toute concrète, toute présente, prend l'allure alors d'un labyrinthe où l'on s'égare. Et la promenade, commencée toujours un peu sous les auspices de Rousseau, donc d'un retour heureux à la nature, se change en errance, discrètement inquiète en fait, et égarée, même sur les lieux de l'origine. Donc il n'y a pas de manière d'être plus perdu que d'être perdu au lieu même où l'on devrait se rassembler, se retrouver. Et nous sommes partis de l'Orient, puis nous passons par le Valois et nous nous recentrons sur Paris. Le cercle donc se rétrécit de plus en plus, mais plus le cercle est étroit, plus l'agitation du sujet est grande. Et donc, dans les rues de Paris, il ne cessera d'aller et venir. En réalité, il y a un but très clair pour lui. Ce but, c'est toujours l'Orient. Il le dit très explicitement, « Je vais vers l'Orient ». C'est un passage que j'aime, que je peux citer entièrement, si je le retrouve. C'est au début d'Aurélia où il va se mettre à suivre une étoile. Je vais vers l'Orient et pendant qu'il m'accompagnait, il c'est Paul Chenavard, et pendant qu'il m'accompagnait, je me mis à chercher dans le ciel une étoile que je croyais connaître comme si elle avait quelque influence sur ma destinée. « Où vas-tu ? » me dit-il, « vers l'Orient. » Et pendant qu'il m'accompagnait, je me mis à chercher dans le ciel une étoile que je croyais connaître, comme si elle avait quelque influence sur ma destinée. L'ayant trouvée, je continuai ma marche en suivant les rues dans la direction desquelles elle était visible, marchant pour ainsi dire au-devant de mon destin, et voulant apercevoir l'étoile jusqu'au moment où la mort devait me frapper. Arrivé cependant au confluent de trois rues, je ne voulus pas aller plus loin. Ici a commencé pour moi ce que j'appellerai l'épanchement du songe dans la vie réelle. À dater de ce moment, tout prenait parfois un aspect double. Et cela, sans que le raisonnement manquât jamais de logique, sans que la mémoire perdît les plus légers détails de ce qui m'arrivait. Mon ami m'avait quitté, voyant ses efforts inutiles et me croyant sans doute en proie à quelques défis que la marche calmerait. Me trouvant seul, je me levai avec effort et me remis en route dans la direction de l'étoile sur laquelle je ne cessais de fixer les yeux. Je chantais en marchant un hymne mystérieux dont je croyais me souvenir comme l'ayant entendu dans quelque autre existence et qui me remplissait d'une joie ineffable. En même temps, je quittais mes habits terrestres et je les dispersais autour de moi. La route semblait s'élever toujours et l'étoile s'agrandir. Puis, je restais les bras étendus, attendant le moment où l'âme allait se séparer du corps, attirée magnétiquement dans le rayon de l'étoile. Alors, je sentis un frisson. Le regret de la terre et de ceux que j'y aimais me saisit au cœur, et je suppliais si adarmant en moi-même l'esprit qui m'attirait à lui, qu'il me sembla que je redescendais parmi les hommes. C'est très émouvant, c'est en même temps un peu troublant parce qu'on sent qu'il est à la limite. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est à, près d'un précipice et qui se dit je me jette dedans ou pas. Enfin, je trouve ça étonnamment moderne. Vous savez quoi, ce qui me vient comme image, moi, c'est des BD actuels de science-fiction. Des BD qui sont un peu prémonitoires, des BD à tendance un peu apocalypse, fin du monde, ou post-nucléaire, ou je sais pas. Je trouve qu'on retrouve tout à fait ça là-dedans, c'est curieux. Hein. C'est vraiment, aussitôt, j'ai associé ces images-là avec. Je ne suis pas d'ici, j'ai un petit trou là avant de prendre mon train, donc je marche. Donc là, c'est bien agréable. Hein, avec les bateaux mouches qui passent par moments, quelques mouettes par-ci par-là. On est juste à deux pas du Châtelet, en contrebas du Châtelet, sur les quais. Il y a le pont Notre-Dame juste derrière nous, sur la voie sur berge qui n'a plus de voiture. Je marche, il fait beau, je reprends mon train après pour rentrer chez moi. Les romantiques ont un drôle de jeu avec le réel, si on peut dire comme ça, parce que le romantisme, et c'est toute sa complexité, je crois, est à la fois enfant des Lumières et enfant quand même du désir d'exploration du monde. Et en même temps, le romantisme s'inscrit dans la valorisation unique de la personne et de la personne comme créateur. et l'artiste comme une sorte de promoteur de l'âme humaine dans tous ces différents éléments. Donc du coup, en valorisant extrêmement le point de vue intérieur, hein, du coup, il y a forcément une forme de fuite par rapport au réel. De temps en temps, cette fuite du réel peut aussi être une fuite de soi-même. Si on prend Nerval, par exemple, quand il va en Orient, il y a un désir de fuir la société parisienne de son temps dans laquelle il ne se sent pas à l'aise, pour toutes les raisons qu'on connaît, la maladie, la folie, les difficultés amoureuses, les difficultés sociales. Mais il y a aussi cet enjeu de fuite de soi-même. Je pense notamment à ce qu'il écrit Nerval quand il est au Caire, où il voit des femmes voilées et où il se plaît à dire que ce qui l'intéresse, c'est moins la vision de ces femmes voilées dans une dimension, comment dirais-je, exploratrice, que le fait qu'il imagine derrière ce voile des beautés encore plus grandes que celles qui sont cachées. Donc il y a un rapport de fuite de soi et à la fois de fuite du monde qui est extrêmement intéressant dans le rapport du romantisme. Je m'appelle Dominique de Fonréo et je suis conservateur général et je suis directrice de la médiation et de la programmation culturelle au Musée du Louvre. Pour l'idée de s'enfuir, moi j'ai envie de vous parler des œuvres de Courbet, de Gustave Courbet. C'est un tableau qui est conservé au Musée d'Orsay et dont le titre est Le Puits Noir et qui représente un lieu près d'Ornans, la ville natale de Courbet. C'est un lieu entre les falaises, donc relativement protégé, avec un point de fuite assez lointain, puisqu'il y a des falaises de part et d'autre, mais un point de fuite assez lointain, et une végétation très dense. Donc c'est un lieu qu'il connaît de l'intérieur. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il dit « Moi, je connais mon pays. Je connais mon pays parce que je m'y suis promené, parce que je l'ai parcouru. » C'est un tableau qui vous happe parce que le traitement du cadre, comme la manière dont il organise le motif, avec un motif qui commence avec les deux rochers comme une sorte d'entrée, puis l'eau qui court, puis les arbres au plus loin, vous appelle. C'est-à-dire que le sentiment qu'on a, c'est l'envie de rentrer dans ce tableau, d'y appartenir, d'entrer dans ce monde et d'être ce monde en même temps. Il se place de façon délibérée dans un point de vue démiurge, vraiment de ce point de vue-là, dans un point de vue romantique, en disant une phrase très belle, en disant « Moi, je suis comme le soleil, j'éclaire la nature ». C'est-à-dire qu'il renforce cet effet au noir en peignant son tableau non pas sur un fond de préparation blanche, mais sur un fond de préparation sombre, noir, où petit à petit, la lumière va venir du noir. Et en fait, je me sens appelée d'une certaine manière à cet endroit-là, avec quelque chose qui mêle quelque chose d'à la fois extrêmement reposant et protecteur et d'un peu angoissant et mélancolique. C'est-à-dire, avec Courbet, on est toujours au bord de la folie, pour être honnête. C'est quelqu'un qui est là aussi bien lié au romantisme. Je sais que je vais choquer certains de vos auditeurs, mais je le fais délibérément en parlant d'un Courbet romantique alors qu'il est l'incarnation du réalisme. Mais je le fais de façon délibérée. Et Courbet, comme beaucoup de romantiques, on évoquait Nerval tout à l'heure, mais on aurait pu parler de Géricault et on aurait pu parler de Lacroix, explore les enjeux de la psyché humaine. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Il faut aussi savoir que c'est au début du 19e siècle, donc à l'époque romantique, que se met en place la psychologie moderne, celle que nous connaissons aujourd'hui. Et donc il y a des véritables débats, des débats qui les intéressent tous. Courbet explore les limites de soi. Alors dans ce tableau, Le Puits Noir, pour moi, on regarde le tableau en étant au bord de la folie, parce que dans ce rapport, justement, à cette invitation d'une nature éternelle, immobile, vide de toute présence humaine, l'homme n'est pas là. La seule présence humaine dans ce tableau, c'est nous qui regardons. Et du coup, on est invité à une réflexion qui explore ses propres angoisses et ses propres craintes, donc qui va vers la folie, puisqu'on se pose cette question à la fois dramatique et consubstantielle de l'être humain, qui est le rapport entre la brièveté de notre existence et l'éternité. Quelle est ma place, quel est mon devenir dans une éternité qui, d'une certaine manière, se passe très bien de moi ? Vous dessinez quoi ? Je dessine cet arbre qui est en face de moi. Le dessin, c'est un jeu entre l'ombre et la lumière. Voir où se situe l'ombre, et puis éclairer les zones de lumière. Je laisse aussi mon inconscient me guider. Je dessine ce que je vois, mais aussi ce que j'imagine. Et cet arbre, alors, il est quoi pour vous dans le dessin ? Il est avec un autre arbre. Il est accompagné d'un petit arbre qui prend racine en lui. Nerval y voit des choses qui n'existent pas. Et il dit qu'elles existent puisqu'il est seul à les voir. Les choses existent vraiment pour lui, mais les autres ne le voient pas, donc il est seul à les voir. Qui est Nerval ? Il est flou et fou. Il se voit en double. Et d'ailleurs, la véritable folie, elle se situe peut-être là, quand on voit son double. En Allemagne, le double s'appelle le Doppelganger. En Écosse, je crois que le double s'appelle le fetch. Et donc, quand on se confond à notre double, les choses sont toujours très inquiétantes. Il faut faire très attention à son double. On peut voir notre double en rêve, de temps en temps, dans des cauchemars. Ça, je pense que ça, c'est arrivé à presque tout le monde de se sentir fou, incompris. Se sentir fou, c'est aussi se sentir très très seul, étrange. Bon. Alors, couché sur un lit de camp, j'entendais que les soldats s'entretenaient d'un inconnu arrêté comme moi et dont la voix avait retenti dans la même salle. Par un singulier effet de vibration, il me semblait que cette voix résonnait dans ma poitrine et que mon âme se dédoublait, pour ainsi dire, distinctement partagée entre la vision et la réalité. Un instant, j'eus l'idée de me retourner avec effort vers celui dont il était question. Puis je frémis en me rappelant une tradition bien connue en Allemagne qui dit que chaque homme a un double et que, lorsqu'il le voit, la mort est proche. Qu'est-ce que vous avez comme image de Gérard de Nerval ? Je n'ai jamais rien lu de lui. Bon, et ça raconte quoi, ça, ce Aurélia ? Alors, il écrit sur sa folie. Non mais Aurélia, c'est le nom d'une femme quand même. C'est une femme qui n'a jamais pu aimer un amour perdu. Ça vous fait peur, la folie ? Vous savez, dans le quartier, on vient d'avoir quand même un acte de folie qui est quand même assez 10 morts. Hein. Vous n'êtes pas au courant de cet incendie ? La folie, elle est à tous les coins de rue, madame. Il y en a partout. Vous voyez pas ? Des gens qui se dédoublent, qui se voient, je crois que ça existe vraiment. Hein. C'est pas mal écrit. Hein. C'est pas mal écrit. Michel Foucault nous a dit que le romantisme est ce moment où la folie retrouve voix, alors que l'âge classique avait rejeté la folie dans ce qui ne peut pas se dire. Voilà que, avec le romantisme, la folie retrouve une voix. C'est déjà le cas avec Goya, puis Hölderlin, puis Schumann, puis Nerval, puis ce sera Van Gogh. Enfin, donc oui, c'est étonnant combien l'art compose au XIXe siècle avec la folie, l'art dans ce qu'il a de plus aigu. Parce que le romantisme, c'est aussi ce qui donne comme lieu pour l'art la subjectivité infinie. Mais Nerval, au fond trop sensible, prend à la lettre le programme du romantisme et du coup, se dévouant à l'imaginaire, il découvre aussi les abîmes de la folie. Donc Aurélia se présente comme une étude de l'âme humaine. C'est un récit qui se présente quelquefois comme un récit clinique. Il s'agit de noter ses rêves et de raconter sa folie en faisant une œuvre, dit-il, qui serait utile pour la science. Est-ce que, rêvant, j'accède à quelques vérités, ou est-ce que ma folie est une folie qu'on enferme et est dépositaire d'aucune vérité et ne produit donc que des chimères? Donc, s'agit-il d'une maladie ou s'agit-il d'une révélation? En fait, lui-même ne tranche pas et c'est cette oscillation en fait qui est très belle. Et puis, dans la chambre de l'asile, Nerval va rassembler ce qu'il appelle les débris de son existence errante. Donc il s'agit de sa chambre à l'asile, dans la clinique du docteur Blanche. En somme, je retrouvais là à peu près tout ce que j'avais possédé en dernier lieu, mes livres, amas bizarres de la science de tous les temps, histoire, voyage, religion, cabale, astrologie, à réjouir les ombres de Pic de la Mirandole, du sage Mercius et de Nicolas de Cuse, la tour de Babel en 200 volumes. On m'avait laissé tout cela, il y avait là de quoi rendre fou un sage, tâchons qu'il y ait aussi de quoi rendre sage un fou. Berlioz tire le nom de ce mouvement « Songe d'une nuit de sabbat » du Faust de Goethe, qui est un texte qui est alors traduit en français par Nerval, justement, en 1828. Et Berlioz est fasciné par cette traduction de Nerval. Et il y a une séquence qui est très mystérieuse, qui s'appelle « Le songe d'une nuit de sabbat ». J'enseigne la musicologie et je m'appelle Emmanuel Rebel. Alors le romantisme peut être une fuite de la réalité quotidienne. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si beaucoup de musiciens romantiques ont eu des vies de bohème parce qu'ils n'étaient plus soutenus par les monarques, les mécènes ou l'Église qui, au siècle classique, finançait les musiciens. Donc c'est vrai que le statut social de tous ces artistes est entièrement nouveau. Ils doivent composer avec un monde qui change. Bref, le présent est souvent, disons, source de tension, d'insatisfaction, et il y a une fuite dans non seulement l'imaginaire, mais une fuite qui peut aller du côté du cauchemar, voire de la folie, du dérèglement des sens. Et on trouve ça de façon très emblématique dans la Symphonie fantastique de Berlioz, où l'artiste qui est le héros de cette symphonie, qui est sans doute un peu Berlioz lui-même, il s'agit d'une forme d'autofiction, eh bien, cet artiste va finir par s'empoisonner à l'opium, parce que le quotidien est trop lourd pour lui, l'amour, il ne le trouve pas, donc il va fuir dans un autre espace, qui est l'espace du cauchemar. Et ce cauchemar, c'est le cauchemar de sa propre mort. Il s'imagine conduit à l'échafaud. On entend d'ailleurs le mouvement de l'échafaud à la fin du quatrième mouvement. On peut imaginer la tête qui roule. Et cinquième mouvement, un grand cauchemar. Nous sommes là dans une scène de sorcière, une scène fantastique. Minuit sonne. On entend un lugubre dies irae, c'est-à-dire un chant liturgique médiéval qui est le chant des morts. et une ronde infernale où apparaît la figure de la bien-aimée transformée en sorcière, ricanant sur le héros. Et finalement, cette œuvre d'art, cette symphonie, incarne d'une certaine façon les angoisses de l'artiste, et une façon de sortir de ces angoisses, c'est d'explorer cet univers qu'on a parfois appelé celui du romantisme noir, hein, qui est celui de la déraison, de la folie, du cauchemar, jusque dans la mort. Je frémis en me rappelant une tradition bien connue en Allemagne qui dit que chaque homme a un double et que lorsqu'il le voit, la mort est proche. Les soldats me désignèrent, puis la porte s'ouvrit et quelqu'un de ma taille, dont je ne voyais pas la figure, sortit avec mes amis que je rappelais en vain. « Mais on se trompe, m'écriai-je, c'est moi qu'ils sont venus chercher et c'est un autre qui sort. Je fis tant de bruit que l'on me mit au cachot. » Ce dédoublement de la personnalité, ce qu'on appelle vulgairement la schizophrénie, on vient de le vivre récemment, à proximité, dans le 16e, avec cette femme qui a mis le feu. Ces gens, comme de Nerval, comme bien d'autres, sont des gens qui ont ce que j'appelle parfois le troisième œil. C'est-à-dire cette troisième œil, parfois un fou voit des choses que l'on ignore. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou moi, nous avons parfois dans nos cauchemars, dans nos rêves. Et c'est ça ce que je ressens comme le double. Une fois, j'ai rêvé que j'étais allongée et comme c'était moi-même, je me suis vue en double, et ce double-là, il gisait, et il était en train de se décomposer. Et c'était moi-même qui enlevais ma peau. Mon corps était pas grand-chose, c'était de la poussière, de la cendre, de l'air. Et cette forme a pris la tournure d'un cauchemar. Donc je me suis réveillée et les choses me paraissaient mortes. Toujours est-il que je suis revenue dans la vie. Je pense pas que ça soit difficile de vivre, il suffit de se laisser transporter par la vie. Et se laisser transporter par ce qui nous environne. Alors, est-ce que le dessin ressemble à la réalité ou pas? Oui, je crois. Le mouvement des branches ressemble à celui-là. J'essaye de reproduire le mouvement. La vie. Alors, j'aimerais lire un passage d'Aurélia où la déambulation dans les rues de Paris prend un tour panique. L'errance prend un accent extrêmement angoissé. Et je voudrais vous lire cette évocation de Paris dans Aurélia. C'est alors un Paris tout à fait halluciné. Arrivé sur la place de la Concorde, ma pensée était de me détruire. À plusieurs reprises, je me dirigeais vers la Seine, mais quelque chose m'empêchait d'accomplir mon dessein. Les étoiles brillaient dans le firmament. Tout à coup, il me sembla qu'elles venaient de s'éteindre, à la fois comme les bougies que j'avais vues à l'église. Je crus que les temps étaient accomplis et que nous touchions à la fin du monde annoncée dans l'Apocalypse de Saint Jean. Je croyais voir un soleil noir dans le ciel désert et un globe rouge de sang au-dessus des Tuileries. Je me dis, la nuit éternelle commence et elle va être terrible. Que va-t-il arriver quand les hommes s'apercevront qu'il n'y a plus de soleil? Et il me semble que ce texte en évoque un autre, annonçant quelque chose comme une fin du monde. Et en fait, ce thème de la fin du monde et ce thème aussi de la divagation des astres, on le trouve dans le Christ aux Oliviers. Vous savez, le Christ aux Oliviers évoque un Christ qui annonce cette nouvelle « Il n'y a pas de Dieu ». Mes amis, savez-vous la nouvelle? J'ai touché de mon front à la voûte éternelle. Je suis sanglant, brisé, souffrant pour bien des jours. Frères, je vous trompais. Abîme, abîme, abîme. Le Dieu manque à l'autel où je suis la victime. Dieu n'est pas, Dieu n'est plus, mais il dormait toujours. Vous voyez, donc le Christ contemple un ciel vide où les astres eux-mêmes divaguent. Et alors cette nuit, c'est la nuit de la folie. Elle peut être aussi sombre que la nuit du tombeau. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé. Mais le pari que font les poètes romantiques, c'est que la nuit recèle une lumière. Et même les romantiques vont renverser le paradigme platonicien. Si vous voulez, pour Platon, la valeur suprême, c'est la lumière, c'est le soleil. Mais au fond, les romantiques remarquent que si on regarde le ciel en plein jour, en pleine lumière, on ne voit pas si loin que ça. On voit seulement la voûte du ciel. Alors que si on regarde le ciel nocturne, si on le regarde la nuit, eh bien, on voit des étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière. Donc en fait, c'est la nuit que l'on voit le plus loin. Arrivé vers le Louvre, je marchais jusqu'à la place et là un spectacle étrange m'attendait. À travers des nuages rapidement chassés par le vent, je vis plusieurs lunes qui passaient avec une grande rapidité. Je pensais que la Terre était sortie de son orbite et qu'elle errait dans le firmament comme un vaisseau dématé, se rapprochant ou s'éloignant des étoiles qui grandissaient ou diminuaient tour à tour. Je finis par me diriger du côté des Halles. Les paysans apportaient leurs denrées et je me disais quel sera leur étonnement en voyant que la nuit se prolonge. Brisé de fatigue, je rentrai chez moi et je me jetai sur mon lit. Une sorte de cœur mystérieux arriva à mon oreille, des voix enfantines répétant en cœur « Christ, Christ, Christ ». Je pensais que l'on avait réuni dans l'église voisine, Notre-Dame de Victoire, un grand nombre d'enfants pour invoquer le Christ. Mais le Christ n'est plus, je me disais. Ils ne le savent pas encore. Je me levai enfin et j'allai sous les galeries du Palais Royal. J'apaisai ma faim avec un petit gâteau pour me donner la force d'aller jusqu'à la maison du poète allemand. En entrant, je lui dis que tout était fini et qu'il fallait nous préparer à mourir. Il appela sa femme qui me dit « Qu'avez-vous ? Je ne sais, lui dis-je. Je suis perdue. » Elle envoya chercher un fiacre et une jeune fille me conduisit à la maison du bois. Maison du bois qui était un asile de fous ? D'accord. Si la mort est la fuite, alors ce serait une fuite justement de notre monde présent. On a tous beaucoup de raisons de se donner la mort. Peut-être que c'est à cause justement du monde présent, peut-être que c'est à cause du monde passé, du monde futur, on ne sait pas. Et vous, vous avez quel âge? J'ai 16 ans. Même à 16 ans, on y pense, vous dites, on a tous cette question. Oui. Pour plusieurs adolescents, pour une grande majorité, on se demande pourquoi, en fait, finalement, Nous, on est ici à cet instant présent. Le passage à l'adolescence, justement, c'est la réalisation que peut-être le monde n'est pas aussi parfait qu'on l'a imaginé étant enfant. Peut-être une idée enfantine meurt à ce moment-là, mais que toujours subsiste finalement cette envie de vivre. Sinon, on ne serait pas tous ici, là maintenant tout de suite, on serait tous donnés à mort. Maintenant, je vais peut-être me poser des questions, justement. Enfin, parce que je passe par Léa, je vais à Notre-Dame des Victoires. C'est assez bizarre, justement, d'avoir lu ce texte et puis de maintenant remarcher dans les pas de, justement, l'auteur à ce moment-là. Cette tentation du suicide, alors pourquoi il y a le souvenir d'une dame aimée et perdue? Cette dame, la biographie lui donne un nom, il s'agirait de Jenny Colomb, mais dans Aurélia, Nerval nous fait seulement cette phrase: une dame que j'avais aimée longtemps et que j'appellerai du nom d'Aurélia était perdue pour moi. Rien d'autre ne sera dit, aucune anecdote, aucune aventure. Au fond, voilà Aurélia résumée en une ligne, une dame aimée et perdue. Ah, let me living die. Ah, let me living, living die. Till death do come. Till a death do come, till a death, till a death do Darkness de Dowland. Ça veut dire c'est les ténèbres? Dans les ténèbres. Il a été enfermé souvent et les docteurs Blanche, aussi bien le père Esprit Blanche que le fils Émile Blanche, se plaignaient de ne pas pouvoir le garder en quelque sorte. Et à la fin de sa vie, alors qu'il n'a plus d'autre domicile que sa chambre à l'asile, le docteur Blanche, parce que Nerval insiste, le laisse partir. Et il écrit à sa tante: ne m'attends pas ce soir car la nuit sera noire et blanche. Donc oui, il dit encore un geste de fuite: ne m'attends pas ce soir. Donc oui, cela se termine ainsi. Là, il se pendra. Rue de la Vieille Lanterne. La rue de la Vieille Lanterne n'existe plus. Elle a été détruite avant même les travaux d'Haussmann. Et les surréalistes se sont amusés à calculer que l'emplacement du trou du souffleur du théâtre Sarah Bernard, qui se trouve sur la place du Châtelet, correspond à ce lieu dit de la vieille lanterne où Nerval s'est pendu. Si bien que Nerval, tous les soirs, viendrait souffler son rôle aux actrices, puisqu'il a aimé des actrices. Jenny Colomb était actrice. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posilipe et la mer d'Italie. La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose s'allie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai dormi dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. La rive ultime, c'est la rive qui sépare la vie de la mort, d'une certaine façon. Et la musique est, de ce point de vue-là, très, très forte pour suggérer un mouvement vers la mort. Alors, la musique romantique est hantée par les marches funèbres. Et on l'entend très bien dans la musique de Schubert, qui est hantée par la mort. Je pense au Voyage d'hiver, Winterreise en allemand, qui est entièrement construit sur le rythme de cette marche inéluctable, dont le dernier lied, qui s'appelle Leiermann, le joueur de vielle, qui est une sorte de mendiant misérable qui va peut-être mourir bientôt, ne cesse d'essayer de rechanter sa chanson, et on sent que lorsque le morceau va s'arrêter, eh bien, c'est la vie qui va s'arrêter. C'était quelque chose en nous du romantisme, fuir le réel. Avec Jean-Nicolas Illouz, Lise, Dominique de Fonréau, Emmanuel Rebel et les passants des rues. Avec la voix de Pierre-Marie Baudouin, l'homme romantique. Merci à Martine Lavaux et Henri Sépi. Prise de son Cyprien Delimerville, Benjamin Chauvin et Guillaume Ledu. Mixage Éric Boisset. Un documentaire d'Élise Andrieux réalisé par Véronique Samuilov. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en plein chagrin d'amour, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, s'élever vers la lumière. Mais en attendant, restez à l'écoute et restez chez vous.